rencontre, bien sûr. Voilà pour nos deux heures de dialogue. Passez un excellent mardi, à demain. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Les infos avec Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour. La commissaire européenne au commerce espère voir le CETA signé fin octobre. Cecilia Malmström admet qu'il reste des efforts à faire pour convaincre, je cite, la Wallonie de Belgique. Le feu vert à ce traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada aurait pu être donné aujourd'hui au Luxembourg. Mais la région wallonne ne plie pas. Il y a blocage. Les discussions continuent, poursuit la commissaire européenne, ajoutant qu'un échec serait une situation très difficile. Et ce matin au Luxembourg, une cinquantaine de militants ont aussi brandi leur calicot et escaladé la façade du bâtiment où sont réunis les ministres européens. Plusieurs perquisitions menées tôt ce matin dans des salles de sport de la chaîne Basic Fit à Liège et à Serein. La justice enquête sur un éventuel trafic d'anabolisants. Plusieurs personnes ont été interrogées. Aucune n'est privée de liberté. Les perquisitions n'ont rien donné. Elle accompagnait un journaliste dans la jungle à Calais. Une interprète a été violée la nuit dernière aux abords du camp. Le journaliste et la victime ont été attaqués par trois Afghans, d'abord pour leur matériel, mais un des trois hommes a violé l'interprète, originaire d'Afghanistan. Le journaliste, lui, a été maintenu à l'écart. L'équipe réalisait un reportage pour une chaîne de télévision française. Les trois agresseurs sont toujours recherchés. Le parcours du Tour de France 2017 sera dévoilé dans une heure à Paris. On sait déjà que le départ sera donné à Düsseldorf en Allemagne. Ce sera le 1er juillet. Et comme ce n'est pas très loin, la Grande Boucle risque très fort de s'offrir à nouveau un détour par la Belgique, par Liège. On parle d'une arrivée de la deuxième étape. Confirmation officielle donc dans une heure. La météo, certains ont eu droit aux brumes et bandes brouillard ce matin. Ailleurs, de belles périodes d'ensoleillées. Ce sera de courte durée. Le ciel se couvre assez vite par l'ouest. On ne dépassera plus aujourd'hui 11 à 14 degrés et demain il pleuvra déjà au matin. David Godefroy, le point RTBF Mobile Info, et c'est calme. Oui, ce véhicule en panne tout de même à vous signaler sur le ring de Bruxelles. Circulation intérieure à hauteur de Jette. Circulation ralentie sur ce tronçon. Circulation donc intérieure Grand Bigard Zaventem. Ajoutez une quinzaine de minutes à votre trajet. Et puis, on signale un important nid de poule. Prudence donc sur le 411 Namur-Bruxelles. À hauteur de Dossou, la bande droite est détériorée vers la capitale. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et c'est parti pour deux heures en compagnie de l'équipe d'En est pas des pigeons. Merci Delphine, retour de l'info à midi. Chez Cora, les Hatchy Malls sont à 69,95€. Adoptez-les vite parce qu'ils vont bientôt éclore. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolvaux. Bonjour les amis. Bonjour. Ça va bien? Oui. En forme? Oui. Super. Vous allez mieux? Ah oui. Ça, ça a l'air. Je peux dire que j'ai passé un week-end gastro. Ah oui, c'est ce qu'il faut dans la vie. Mais panomique. Voilà, dites, au programme du jour, outre mes problèmes, on s'en fout un petit peu, il y aura celui de Dominique. Dominique, oui. Qui est handicapé, qui a acheté une voiturette. Le souci, c'est que la voiturette n'est pas adaptée à son handicap. C'est fâcheux, ça. Voilà, c'est à moitié adapté, mais il faut absolument faire quelques petits travaux dessus et ça traîne. Voilà, donc on essayera d'avoir un contact avec la Motuelle. Ah, la Motuelle. On ira. Que la vie est belle. Dans le journal de la Conso, on va parler technologie aussi. Ah, ben oui, on va parler d'une nouvelle offre, tout compris, du premier Samsung Store de Belgique et aussi du casque de réalité virtuelle PlayStation VR. D'accord. On a envoyé François à Paris au Salon international de l'alimentation. Il nous dira ce qu'on va manger et boire dans les prochains mois. Et puis Cyril et les saisonniers qui cueillent des pommes, qui viennent frapper à votre porte. Enfin bref, on va manger des pommes. Il y aura Cyril, il y aura des saisonniers, il y aura des pommes. Il y aura qui? Cyril. Des saisonniers et des pommes. Voilà, vous suivez. Si vous avez des choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe. Oui, sur notre page, on n'est pas des pigeons. Mais vous pouvez aussi, si vous préférez, envoyer un courrier électronique à l'adresse pigeon au pluriel rtbf.be. Vous pouvez laisser un message sur notre répondeur au 070 222 660 ou encore envoyer un SMS au 3063. Ça coûte 50 centimes le message. Côté musique, il y aura du bon. Alors j'écoute, tu m'as resté. avec Navi qui écoute du Miles Davis. Côté souvenir, il y aura Michael Jackson. Wow! Ça, c'est un truc à réveiller les morts. Thriller en 1983. Vous écoutez, on n'est pas des pigeons, c'est sur Vivacité jusqu'à 13h. Bienvenue tout le monde! Sometimes I believe, at times I'm wishing more. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing more. I can fly high, I can go low. The warm, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? Frequencies sur Vivacité avec le titre Reality. Votre courrier est arrivé. Oh, nos jours, le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Hier, on vous parlait de soldes sur la page Facebook en vous demandant s'il faut les avancer ou pas. Et sans conteste, la réponse est oui. Ben oui, Chantal nous dit, dans les deux cas, solde d'hiver et d'été devrait pour moi se dérouler un mois avant. On est d'accord. Cela ne poserait pas trop de problèmes aux commerçants, car en octobre, ils annoncent déjà Saint-Nicolas. Alors, ils doivent jouer le jeu jusqu'au bout. Les soldes en décembre et en juin, puisqu'ils jouent avec le calendrier, jouons aussi. Michel préfère ne plus faire de soldes, mais pratiquer des prix normaux et honnêtes toute l'année. Ce serait une véritable révolution et une solution. Michel, vous serez Premier ministre. Ah, mais non, oui. Déjà, ah, c'est peut-être c'est le même. Ça. C'est pas lui ? Non, bah non, ça se saurait. Là, c'est son prénom. Sur la page Facebook, on vous demandait aussi si vous faites le plein au Grand-Duché de Luxembourg pour faire des économies. Alors, Joachim nous écrit, pour ceux qui habitent tout près, oui, c'est avantageux. Pour le diesel, ça ne fait que 10 centimes de différence. Si vous achetez beaucoup de cigarettes et de l'alcool en plus, là, c'est rentable. Mais souvent, ceux qui y vont dépensent l'économie faite pour manger sur place et les économies sont déjà parties. C'est vrai. C'est souvent une petite excursion. Alors Berkovic, très bon article où tout est dit. Habitant Bruxelles, ce n'est pas avantageux de faire l'aller-retour, mais lorsque je me déplace, je peux faire un détour par là-bas et m'arranger pour être sur place, le réservoir quasi vide. Jean-Luc, bien sûr, je fais le trajet et j'achète également de l'alcool, des cigarettes, de l'eau et divers jusqu'à concurrence de l'autorisation. Et enfin, le commentaire de Mélanie, il n'y a pas photo. Avec la frontière à 10 km, je fais un plein pour 25-28 euros maximum au Luxembourg, alors qu'il me revient à 40 euros en Belgique. Et on en profite au passage pour faire le plein d'eau, moins cher aussi qu'en Belgique. Et on salue tous les frontaliers et on leur dit profitez-en les gars, profitez-en. Oui. Et puis on va aller faire un tour sur le répondeur où Chantal nous a laissé un petit message. Oui, elle réagit sur la piscine pour chiens, on vous en parlait hier. Elle a ouvert ses portes ce week-end à Charleroi.

tu m'aimes au fond de cette spirale, ce fan, les chrysanthèmes, ce fan, tous tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis. Sur Vivacité, j'écoute du Miles Davis. Amao, Claudia, l'appareil. Dis, je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. Je veux quitter cette ville. Je deviens fou, moi, ici. Ta violence. Il est 11h16. On accueille Dominique sur l'antenne de Vivacité. Bonjour, Dominique. Bonjour. Dominique, je raconte rapidement votre histoire. Vous êtes devenu malheureusement handicapé suite à une maladie orpheline. Vous avez besoin d'une voiturette électrique pour que ce soit plus simple dans vos déplacements. Ce que vous avez reçu, malheureusement, n'est pas adapté et il faudrait améliorer cette voiturette. Il faudrait lui apporter quelques corrections, mais ça ne se passe pas si bien que ça avec la firme. Voilà, oui, c'est ça. En résumé, en gros, oui. Ah oh bah j'ai bien fait mon boulot quelque part, Annie, c'est plutôt rassurant. Et donc ça veut dire Dominique que vous avez reçu cette voiturette électrique fin juillet. Oui. Alors le premier bandagiste qui a donné tous les détails, il voulait que vos jambes soient dans un seul bloc unique, et le deuxième qui est intervenu après, lui il trouvait que les jambes devaient être séparées, et c'est ça qui pose problème maintenant, c'est cette adaptation qui traîne un peu selon vous. Oui, oui, oui, parce que bon, ça date quand même du 3 août. D'accord. Et ça veut dire que vous savez pas marcher, Dominique, c'est bien ça? Je marche dans mon domicile, parce que je connais tous mes repères. Oui. D'accord. Mais dès qu'il faut sortir, dès qu'il faut aller un peu plus loin, vous avez besoin absolument de cette voiture. Oui, donc à l'extérieur, je suis désorientée et mes jambes ne me suivent pas. D'accord. En réalité, je marche les jambes complètement... étendue, je ne plie plus les jambes. D'accord. Donc on comprend bien que la voiturette électrique, c'est vraiment un besoin vital pour vous. Et vous êtes en contact avec la firme. Alors la firme ici, on va le dire, c'est Actimed. Alors Actimed, c'est une société qui est située à Herves, qui est spécialisée dans la vente de matériel médical de bandagisterie. Elle se trouve dans le réseau de Solidaris, donc mutuelle socialiste. Et donc, quand je vous ai eu en ligne, Dominique, avant l'émission, vous m'avez dit, mais je suis en contact avec Actimed, mais j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Les contacts, c'est quoi? C'est uniquement des téléphones? Ou bien oui, vous oui. Et oui. Qu'est-ce qu'on vous dit au téléphone? D'abord que la firme qui a livré la chaise n'a pas livré les pièces pour la transformation, ou c'est une personne malade qui n'est pas, enfin, qui est en congé de maladie, ou c'est, enfin, dans ma vision des choses, on me balade. Quoi. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait dans ces cas-là, Annie? Appeler. Vous savez ce qu'on va faire? On va essayer de joindre la mutualité socialiste Solidaris après la pause. Je crois que ce sera plus simple. Ce dimanche sur Vivacité, c'était encore une fois complètement foot. Pour réécouter les meilleurs moments du premier talk show radio du foot en Belgique, rendez-vous sur vivacité.be. L'univers du sommeil vous présente ses méga deals. 50% de réduction en octobre pour votre partenaire sur un lit double chez Hopping, Latoflex ou Wetsleep. Univers du sommeil, votre conseiller du sommeil à Bruxelles, Linkebeek et Ternat. Conditions sur universdusommeil.be. Psst, l'univers du sommeil vous offre également la TVA sur la plupart de ses produits. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Oui, bonjour monsieur. Il paraît que vous avez une Golf All-Star bien équipée à partir de 14 990 euros. Bien équipée? Ah non, c'est une erreur. Comment c'est une erreur? Mais c'est avec les jantes en alliage, les vitres teintées, le volant en cuir. Ah oui, vous voulez dire la Golf All-Star super équipée? Oui, super équipée, mais pardon. Jusqu'au 27 octobre, conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Golf All-Star super équipée à partir de 14 990 euros. Prime de recyclage conditionnelle de 1500 euros déjà déduite. Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen. Vivacité. On est occupé avec le cas de Dominique, sa voiturette électrique qui doit absolument être adaptée. On tente de joindre les mutualités socialistes. On avait un contact, le monsieur ne répond plus alors qu'on l'a eu avant. Mais c'est pas grave, on va... Mais on essaye, on essaye de trouver. D'ailleurs, je suis au téléphone. Mais oui, mais regardez-vous, on fait de la radio, Annie. C'est vous qui devez me regarder dans les yeux. D'accord. En attendant, un petit Michael Jackson souvenir de 1983 sur l'album Thriller. Avec ce... Moi, j'ai toujours eu peur de ce clip, avec les morts qui sortent de leur tombe, là. Qui a un petit souci avec une voiturette mal adaptée à son handicap. On essayait de joindre les mutualités socialistes. Nous avons Frédéric Fassotte, le porte-parole de Solidaris Liège. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez le problème de... Absolument. De Dominique. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, de votre côté? Est-ce que vous pouvez prendre ce dossier en charge? Parce que les adaptations pour sa voiturette électrique coûtent quand même, Ali, la bagatelle oui, de plusieurs milliers d'euros. Oui, on parle de 3 000 à 4 000 euros. Et ici, le problème avec Dominique, c'est que la demande date du mois d'août. On est quand même mi-octobre et le temps passe. Et le temps qui passe n'a pas la même valeur pour elle que pour nous. Ça, vous pouvez comprendre. Absolument. On comprend d'abord tout à fait l'énervement et la détresse de Mme Beaune. Parce que quand on entend une paire de chaussures, on s'énerve et on a envie de les avoir. Là, on ne parle pas de paire de chaussures, on parle de quelque chose qui est vital pour elle. Et en plus, c'est quelqu'un qui vit une situation dramatique, donc on en est bien conscient. L'erreur qu'a commise en fait Actimed dans ce dossier, c'est la société qui livre le... encore mieux les choses, dans le sens où entre le moment où notre bandagiste est passé pour la première visite, on va pas faire l'historique du dossier avec les dates, etc., etc., mais le moment où notre premier bandagiste est passé pour faire la visite et donc de voir d'avoir le matériel le plus adapté à la situation de Madame Beaune, il avait prescrit un type de matériel. Ensuite, un autre bandagiste est passé et pour rendre encore le meilleur service possible à Madame Beaune, il a prescrit une adaptation de sa voiturette en disant « Actimed va totalement prendre en charge, et c'est tout à fait logique, prendre en charge en fait cette adaptation ». Là où on a joué de malchance, c'est que les pièces qui doivent venir de la société qui fabrique cette voiturette ont mis un temps, et on en est bien conscient et on le regrette profondément, ont mis un temps fou à arriver. Mm-hmm. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que c'est sans doute les ondes de la RTBF hein, qui ont débloqué ça. Vos auditeurs ne vont pas le croire. Mais effectivement, on a reçu en fait un appel de la société et après plusieurs mails et contacts téléphoniques qu'on a eu avec eux, les pièces sont arrivées et la voiturette sera adaptée aux besoins de Madame Beaune dès demain. Ah ben ça c'est une bonne nouvelle, parfait, Dominique, ça. Vous avez entendu. Voilà. Oui, mais l'espoir fait vivre. Hein. Ah ben non, c'est demain. Ah, il faut que l'espoir fasse vivre jusque demain en tout cas. Parce que Actimed a contacté en fait Madame Beaune hier, si je ne m'abuse, et donc voilà. Et Madame Beaune, puisque vous m'entendez, franchement, on est vraiment désolé. Vous savez bien, le personnel d'Actimed, ce sont des gens qui travaillent avec des personnes qui, comme vous, sont dans des situations de détresse et qui sont confrontés à des problèmes de santé. Il n'y a rien de pire que les problèmes de santé, surtout la pathologie dont vous souffrez. Ce sont des gens qui font preuve d'une empathie et c'est un métier difficile parce que toute la journée, ils sont confrontés à des gens qui, comme vous, sont dans des difficultés. Et donc, fatalement, eux sont aussi désemparés parce que les relances qu'ils font à la société qui produit cette voiturette sont restées sans effet. Et ce n'est pas faute. Franchement, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Mais ici, bonne nouvelle, à partir de demain, ça va se régler. Donc Annie... demain, ça veut dire que quelqu'un va chez Dominique pour régler le problème, on est bien absolument, d'accord. Absolument, d'accord. Fait, donc fait. Dominique, voilà, soyez là. Eh ben, c'est une affaire. Préparez une petite jatte de café, comme ça, on ne sait jamais, hein, ça leur fera peut-être plaisir. Et bien voilà, une histoire qui se termine bien. Merci à tout le monde aussi, merci aux mutualités socialistes d'être intervenues aussi dans ce dossier et d'avoir peut-être aussi, quelque part, débloqué la situation. Et Dominique, vous nous tenez au courant dès que la voiture était adaptée, vous nous envoyez un petit mail via pigeon@rtbf.be ou un petit coup de fil sur le numéro d'Annie qui est le 0407. Ah non, on va pas. Dans un instant, Inforoute et Journal de la Conso. En attendant, pour nous mener à tout ça, c'est Soul avec Comme. Comme une envie de briser la com. Comme une voix dans l'intercom qui me dit simplement de laisser filer. Comme le début d'un mauvais sitcom où le générique à la gomme me dit simplement qu'il faut laisser filer. Comment il faut vivre aujourd'hui? Comment se compare toute une vie? Comment il faut vivre aujourd'hui avec ces comme qui me poursuit? Autour de moi j'entendais comme, et qu'il faudrait que je sois comme, je leur réponds simplement comme to my world comme, si on devait s'habiller comme, sans arrêt s'imiter comme, qui devrais-je sembler comme to my world. Des pommes, qu'il nous manquait des chromosomes, qu'on devait forcément sans arrêt se copier. Comme si vouloir sortir de la norme, ça paraissait tellement énorme. Sortir du nid pour pouvoir se laisser voler. je semblais comme tout le monde. Journal de la Conso dans un instant, mais avant ça, un petit tour par le centre Perex pour un point info route avec vous, David Godefroy. Oui, et cet accident à vous signaler sur la 602 Lons-Saint-Chesnay à hauteur du Val-Benoît. La bretelle d'accès est fermée à la circulation en direction de Chesnay. Et puis sur le ring de la capitale, encore quelques légers ralentissements à vous signaler en circulation intérieure. Grand Bigard Zaventem, ajoutez une petite dizaine de minutes à votre trajet. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans la presse Aurore, on parle aujourd'hui de Proximus qui lance une nouvelle offre, tout compris. Oui, c'est Tuttimus ou Tuttimus, je ne sais pas comment on prononce, une offre quadruple play, c'est-à-dire téléphone fixe et mobile, télé et Internet. Alors le public cible, ce sont les familles, c'est que le nombre d'écrans se multiplie, hein, vous savez, les enfants ont des tablettes, etc. L'offre de base coûte quand même 88,95€. Ah oui. Avec une carte SIM. Donc il faut ajouter un abonnement mobile par personne. À chaque fois que vous voulez une personne en plus, là ça coûte 14€ minimum à chaque fois. Donc ça peut vite chiffrer. Ah, ça c'est sûr. Mais vous allez me dire, alors le client, il s'y retrouve où? C'est quoi l'intérêt? Puisqu'en plus, Telenet propose aussi une offre tout compris depuis quelques mois, mais a priori moins chère. Eh bien, l'intérêt se situe dans le contenu qui est compris. Chaque abonné a droit à un bouquet télé gratuit, donc un bouquet chance. Enfance, sport, etc. Ouais. 3 mois gratuits pour Netflix, donc il vous propose des séries, des films, etc. Et à un film gratuit par mois à choisir parmi une liste de blockbusters. Donc, c'est pas des vieux films, des vieux navets, c'est vraiment des gros trucs qui viennent de sortir. D'accord. Voilà. Oui, bof, oui, ok. Voilà, c'est, moi, c'est pour vous permettre de faire un choix. Oui, faites un choix et n'hésitez pas à comparer, on le dira toujours. Voilà. Allez voir la concurrence, voir s'il y a moins cher. Après, il faut tout regarder. Si hein, regarder, il faut tout analyser. Après-vente, oui, d'accord. On ouvre le premier Samsung Store en Belgique, c'est ce jeudi et c'est dans l'ADH. Oui, c'est même une exclusivité mondiale, figurez-vous. Le premier Samsung Experience Center, nouvelle génération, au monde donc. Il va servir de test pour la marque avant d'étendre le concept un peu partout dans le monde. Et il ouvrira dans le tout aussi nouveau centre commercial Docks qui sera inauguré après-demain près du pont Van Praat à Bruxelles. Ça fait très bling-bling comme ça, mais faudra bien ça pour redorer le blason du constructeur. Après le fiasco du Galaxy Note 7, le téléphone enlevé de la vente à cause d'un risque d'explosion, le magasin présentera sur 300 mètres carrés tout ce qui tourne autour de la téléphonie mobile, des caméras 360 degrés, des bracelets connectés et aussi des smartwatch. Il n'y aura donc pas de télé, mais il y aura du wifi et du café gratuit. Ah, mais ça c'est tout n'est pas perdu. Mais ils vont pas présenter le Galaxy Note machin, t'imagines? Ah sinon, non, ça fait, non ça mais ils auront tout le reste de la gamme. Ça ferait une inauguration explosive en même temps. Oh, ça, oui. Ça marcherait peut-être bien. On l'a testé en télé la semaine dernière, on parle du casque de réalité virtuelle PlayStation VR. Mais dans les journaux du groupe Sud Presse, on apprend que l'objet n'est pas tout à fait sans danger pour la santé. Cyril, est-ce que tu as essayé ce casque? Pas du tout. Ah oui, nous on l'a essayé la semaine dernière, j'en ai encore des nausées. Il y en a qui ont de la chance. Justement, il provoquerait des maux de tête et le mal de transport, effectivement, ouais. Vous parlez de nausées, voilà. Le casque en question est placé sur le front et les yeux du joueur, donc pour le plonger dans un monde virtuel. Alors c'est vrai que ça fonctionne assez c'est bien. Bluffant, hein. C'est bluffant. On l'a testé, on a vraiment l'impression d'être voilà, autre part. Le souci, c'est que selon les internautes, le masque provoquerait des petites décharges électriques, donc des espèces de drines au niveau du visage. Ah, donc ils se demandent si c'est pas mauvais pour la santé, pour leur cerveau. Le casque surchaufferait aussi. Et puis, bah, les maux de tête, ils pourraient être provoqués par l'odeur de caoutchouc du casque. Ouais, bon, nous, ça nous a pas. Non, c'est pas bon, ça qui. Mais voilà. A... Et enfin, le mal des transports. Ça, un par joueur. Contre, ça, je confirme. Ça, oui. Hein. Tu jouais à un jeu de bagnole, vous étiez malade, comme dans la voiture. Oui, et puis ça donne des repères à votre ouais, cerveau qui ne sont pas ceux de votre corps. Non, c'est pour ça qu'il y a le mal très transports. Bizarre. Effectivement, un joueur sur les réseaux sociaux se plaint de ne pas pouvoir jouer plus d'une heure sans être malade. Et il dit aussi qu'avant d'utiliser ce casque, il n'avait jamais souffert de mal des transports. Et maintenant, même en voiture, il est très vite malade. Donc voilà, c'est plusieurs personnes qui ont dit ça sur les réseaux sociaux, à vérifier encore, mais

sur Vivacité, la tête plein de rêves, comme on se disait après. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Alexis? C'était quoi le titre? Stars. Voilà, le ciel plein d'étoiles. Aujourd'hui, c'est la tête plein de rêves. Demain, ce sera. Je ne sais pas. C'est les. Quoi? Oui. La tête dans le cul. La tête dans le cul. Mais... Eh ben, c'est le prochain titre de Coldplay. Merci, Cyril. T'as bien fait de venir sur ce coup-là. On n'est pas des pigeons. On vous parlait la semaine dernière, c'est le salon de l'alimentation à Bruxelles et pourtant bah c'est à Paris qu'on a emmené François Lizaine pour aller visiter un autre salon de l'alimentation, le CIAL. C'est la grand messe de l'innovation alimentaire, on y trouve pas moins de 6500 exposants, François. 7000, il y en a 500 de plus depuis le communiqué de presse. C'est dingue, c'est dingue. Bon, c'est quoi le CIAL? Ah, écoutez, c'est un salon qui existe depuis 52 ans et c'est une biennale. Traduction? Tous les deux ans. Bien. Ça veut donc dire qu'il est organisé tous les deux ans. En gros, hein, c'est le plus grand hypermarché du monde. 7000 exposants venus de 104 pays avec 400 000 produits bruts ou transformés à destination de l'horeca, de la grande distribution ou encore des épiceries fines. De quoi se prendre une bonne indigestion. Oui. Ce salon s'étend sur l'équivalent, tenez-vous bien, de 11 hypermarchés. Dans les allées desquelles se croisent 150 000 personnes, autant dire que ça bouscule un peu parfois. On y fait quoi exactement là-bas? Eh bien, on y attrape un rhume, et puis on y mange et on y boit. Vous avez d'autres questions? Oui, mais qu'est-ce que vous avez bu, qu'est-ce que vous avez mangé? Blaya, par les deux principales catégories de visiteurs, ce sont forcément les acheteurs et les vendeurs. Les vendeurs, donc les fabricants dont business est déjà bien lancé, rencontrent aussi leurs clients qui viennent du monde entier, l'occasion de parler contrat pour les deux années qui viennent, éventuellement de présenter les nouveaux produits de la marque. Il y a aussi les fabricants, plus petits, qui veulent lancer leur activité, faire connaître leurs produits et qui espèrent se faire remarquer, ne fût-ce que par le voisin. L'autre catégorie, ce sont forcément les acheteurs, grossistes ou grosses boîtes. Tous les acteurs de la grande distribution de chaque pays envoient des représentants pour décider des produits qu'ils souhaitent mettre ou pas dans leur rayon. Ils sont forcément à la recherche des dernières tendances et des innovations qui vont permettre à ces grandes chaînes ou aux épiceries fines de se démarquer de la concurrence. Justement, en parlant de tendances, il y aura quoi dans nos assiettes bientôt? Une chose est sûre, c'est que les consommateurs sont de plus en plus persuadés que l'alimentation peut engendrer des risques pour leur santé. Vous voulez un chiffre? Oui. Allez, voilà un chiffre. Tout pays confondu, 66% des consommateurs jugent en effet probable le risque que les aliments nuisent à leur santé. Dès lors, vers quoi selon vous vont-ils se tourner? Le bio. Forcément, vers le bio. La croissance de l'intérêt pour les produits bio est réelle. 53% des consommateurs essayent d'en consommer dès que possible. Le pourcentage n'était que de 48% il y a 4 ans, donc il y a quand même une forte évolution. Et puis dans le même ordre d'idée, 56% des consommateurs essayent de manger sans huile de palme, contre 50% il y a 4 ans. Donc ces deux chiffres vous montrent un petit peu la tendance vers le bio, vers le circuit court, vers l'artisanal, vers la transformation limitée, et donc aussi vers le sans sucre ajouté, vers le sans huile de palme. Donc la tendance vanille et les verres comestibles dont on parlait dans l'alimentation il y a 2 ans, je peux vous dire qu'on en parle quasiment plus. D'accord. Aussi à cette année-ci. Alors vous disiez, François, que les acheteurs cherchent des innovations. Alors le CIAL remet chaque année 15 prix, chacun dans des catégories différentes. Quels sont les produits innovants qui ont été primés? Alors sur les 15 produits primés, il y a d'abord 11 produits français dans la catégorie comme par hasard. Boissons non alcoolisées. Le jury a décerné le prix à une société française qui propose un produit très intéressant qui s'appelle Pur Jus. C'est un mélange de fruits frais et d'herbes aromatiques. Exemple, citron, fraise, menthe ou pomme persil. C'est particulier mais c'est très bon, pour ne citer que deux exemples de la vaste gamme. Le produit n'est pas encore disponible ni en France ni en Belgique. Les premiers contacts, j'ai rencontré le patron hier, ont été pris hier avec Auchan et Carrefour France. Ouais. Donc le produit sera probablement disponible dans ces supermarchés dans les mois qui viennent, mais il n'y a pas encore de certitude de le trouver chez nous dans le courant de l'année 2017. Alors, les grands prix d'innovation dans la catégorie boissons alcoolisées revient à une société italienne pour sa liqueur à la carotte. Bien sûr. Pourquoi vous pas. Avez goûté? Non, j'ai pas osé. Oh. Un produit riche en vitamines, en sels minéraux, en antioxydants, qui tire quand même à 20 degrés. Ah oui, quand même. Oui. Et non, puis tu rentres le soir avec une bonne cuite, tu dis j'ai bu de la carotte. Dernier exemple, le grand prix pour la viande revient à une société française pour une viande maturée pendant 21 jours qui est emballée sous vide, présentée dans une boîte en bois très jolie avec les instructions de cuisson sur l'emballage. C'est assez particulier et le stand a accueilli énormément de monde hier. Pas de prix pour un produit belge? Non, mais une première mondiale quand même, avec la première boisson naturellement bleue. C'est une petite société verviétoise qui propose une boisson baptisée Biblou. C'est une boisson pétillante à la spiruline qui est présentée dans une bouteille de 25 centilitres. Un produit qui a suscité beaucoup d'intérêt, sincèrement, et qui sera commercialisé cette année en Italie, en Finlande, en Allemagne, et forcément aussi chez nous. Et on en parlera, à mon avis, encore dans l'émission. On va essayer de goûter, c'est sûr. Et c'est très bon, c'est un peu particulier. Et d'après son fabricant, qui travaille avec, avec une université nantaise, eh bien, boire cette boisson-là pendant 2-3 semaines eh bien, aurait déjà des effets assez positifs sur la santé, dit-il. Forcément, on fait un peu de marketing aussi, hein, du côté du ciel. Il y a également une société mocronoise qui, pour remplacer l'huile de palme de tournesol et de colza, propose une gamme intéressante de produits d'huile de lin. Moi, personnellement, je ne connaissais pas. Mm-hmm. C'est une huile qui est très riche en oméga 3, un produit qui existe en bouteille, en vaporisateur et qui est utilisé pour fabriquer un choco dont le goût rappelle très, très, très fort celui d'une grande marque, mais qui est une allégation, à savoir riche en oméga 3. Donc, on pense que ce choco est bon pour la santé. D'accord. Un dernier exemple. Ouais. On termine par cette société de Lannes dans le Brabant Wallon qui propose un sirop comme de la grenadine, sauf que le produit n'est pas fait à base de jus concentré, mais à base de fruits frais. Donc un produit 100% bio qui contient deux fois moins de sucre que les sirops habituels. Voilà qui fera plaisir à Nicolas Guggenbull, le diététicien avec lequel on travaille souvent, et au dentiste. Bah écoutez, ça fait plein d'idées pour qu'on goûte dans cette émission. Vous avez bien fait d'aller à Paris, François. On a une petite liste d'artisans qu'on va se faire un plaisir d'inviter chez nous à la radio et à la télé aussi. Ça, c'est sûr. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, ça tombe bien. C'est le titre de Francis Cabrel qui arrive. Les jouets, c'est drôle. La TVA, pas du tout. Alors Cora vous l'offre sur un jouet au choix avec la carte Cora. Conditions en magasin. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Vivacité présente, en partenariat avec les AP Assurances, l'échappée belge. Un voyage train plus vélo, sans émissions, de gaz à effet de serre. À revivre ce dimanche à la télé et sur les petites routes de Provence, d'Apt à Fort-Calquier en passant par Ménerbe, Gordes, Manosque, Cavaillon, Roussillon et le Théâtre des Dons. À fond le Luberon, avec l'échappée belge, ce 23 octobre à 17h50 sur la Une. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Cette semaine, Amir est l'invité de Vivacité. Bonjour, c'est Amir. Retrouvez-moi toute la semaine et samedi dans le Tip Top de Vivacité. Avant son concert le 16 décembre à Bruxelles, Amir vous présente son premier album, Au cœur de moi, toute cette semaine sur Vivacité. Vous cherchez un appartement neuf de grand confort à Bruxelles ? Thomas Epiron vous présente les résidences M Square, un ensemble immobilier d'exception situé à deux pas du centre. Portes ouvertes ce dimanche de 14 à 17 heures dans notre bureau d'info sur place situé avenue du Condor à Molenbeek-Saint-Jean. Venez y découvrir nos offres exceptionnelles de lancement. Plus d'infos sur thomas-epiron.eu. Offre soumise à condition. Deux ou trois anges autour, toujours en sentinelle. Des papillons aux ailes lourdes de cannelle. Pas de raison que ce soit confidentiel. Chaque fois que je te vois, que je t'appelle, la vie me donne ce que j'attends d'elle. Dans chaque bar, chaque coin de rue, chaque chapelle, tout le monde voit bien que sans toi, je dérive au diesel. T'as les clés de tout, de la tour Eiffel. C'est de là-haut que tu colores l'arc-en-ciel. C'est pour ça que je t'appelle Bonne Nouvelle. J'entends les cuivres, les cordes, les corps, les violoncelles. Je vois le monde loin, loin sous mes échelles. Nature a beau faire le lait, le miel, le grand, l'inestimable. L'essentiel, c'est toujours mieux sous ton ombrelle. Bonne nouvelle. Je me battais comme tout le monde pour quitter les ombres profondes. Je t'attendais comme nuages à tes semelles, et si c'était éternel. Extrait de l'album Les Beaux Dégâts, c'était en 1994, donc en 2004. Francis Cabrel avec Bonne Nouvelle. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Cyril, on va s'intéresser au métier de saisonnier avec vous. Bah oui, on va cueillir des fruits. Et qui dit saisonnier dit saison, c'est dans le mot. Oui. Et c'est la saison de quel fruit chez nous en Belgique ? Les pommes. Ah, les pommes, pommes, pommes, pommes, effectivement. On va se concentrer sur les pommes. Très, très beau, Sébastien. Il vient de les comprendre. Ouais. Parce que forcément, les pommes, on va les acheter au magasin, au coin de la rue ou au supermarché. Elles n'arrivent pas toutes seules. Il y a des saisonniers qui vont donc les cueillir dans les vergers pour que vous puissiez les manger. Donc là, c'est la saison des saisonniers, c'est la saison des pommes. Ouais. Mais les saisonniers peuvent travailler toute l'année pour les différents fruits et légumes. Ah bah oui, parce qu'il y a plein de choses à les ramasser. Oui. Ils aimeraient bien, les producteurs aimeraient bien aussi, parce que c'est pas évident de trouver des bonnes mains d'œuvre, des gens qui sont capables de faire un geste très répétitif hein, quand même tout au long de la journée. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, la loi limite à 65 jours de travail pour les saisonniers chaque année. Et donc les producteurs galèrent un petit peu, ils aimeraient plus. Et les saisonniers, forcément, aimeraient pouvoir travailler toute l'année. Mais si on peut pas faire ce job toute l'année, j'espère au moins que ça rapporte. Eh ben même pas. Même pas. Imaginez, vous êtes dans un champ, vous êtes dans un verger, parfois il fait froid, imaginez en ce moment, il pleut aussi. Vous êtes payé 7,50€ de l'heure à faire les mêmes gestes toute la journée, vous avez mal au dos et tout ça. Donc 7,50€ de l'heure, c'est pas terrible. Pensez pas que vous pouvez faire du noir là-dessus. Les producteurs sont hyper contrôlés. C'est-à-dire qu'il y a même une anecdote quand même assez dingue, c'est que des hélicoptères survolent parfois les vergers. Ah bon ? Donc on compte combien de travailleurs sont en train de cueillir des pommes. L'hélicoptère se pose et là tout le monde est contrôlé au sol. Donc les producteurs seront un peu paniqués avec ce genre de choses. Donc impossible de tomber dans l'arbre. Bah oui, facile. Impossible donc de tricher, c'est 7,50€ déclaré, c'est pas hyper bien payé quand même. Hein. Ouais, mais il y a quoi pour contrer ça? Il n'y a pas des chartes qui existent? Alors si, il y a une charte qui existe en Wallonie, qui est la charte Fruits d'ici. Ouais. En télé ce soir d'ailleurs, on découvrira ce que c'est exactement et comment le travail de saisonnier est pratiqué, quels sont les gestes qu'il faut faire. Et la charte Fruits d'ici permet aux producteurs de réduire le circuit. Si vous voulez, on a beaucoup parlé il y a un an de l'exportation de nos fruits vers la Russie, il y a un embargo, on ne peut plus le faire. Donc les producteurs ont dû s'adapter et ils réduisent donc le circuit. Ils travaillent avec des produits qui ne sont plus chimiques mais des produits bio, à partir de la floraison jusqu'à la cueillette, plus de traitements chimiques dans leurs exploitations. Ils vont transformer eux-mêmes les produits aussi pour vendre directement chez eux et parfois dans certains magasins, mais ça c'est un peu plus compliqué. Alors c'est de la distribution locale, mais ça veut dire qu'on doit d'office aller chez le producteur, on trouve pas ça en magasin ? Alors on trouve ça dans certains magasins. Aujourd'hui, pour parler clairement, en supermarché, il n'y a que Carrefour qui joue le jeu sur la charte fruits d'ici. Oui. C'est en discussion avec d'autres supermarchés, mais qui sont un peu frileux, parce que les fruits sont faits pas toujours aussi beaux que ceux qu'on a dans les rayons. Alors, si les magasins ont du mal à jouer le jeu, est-ce que les producteurs signent facilement ou rejoignent facilement, adhèrent à cette charte ? Eh bien, même problème. Comme les fruits ne sont pas hyper beaux, c'est plus difficile de les écouler. Donc, il y a la solution de transformer, par exemple, faire du jus, faire de la compote avec des fruits qui sont un peu moins beaux. Mais c'est justement parce que les produits bio sont moins efficaces que les produits chimiques pour traiter. Donc, le consommateur a un peu plus de mal à acheter un produit qui est moins sexy, qui a une moins belle allure, et donc le producteur a un peu moins envie de se lancer dans l'aventure. Il faut savoir aussi que comme c'est des produits naturels, il y a plus de pertes. Donc le producteur réfléchit quand même à deux fois avant de se lancer dans cette charte de fruits d'ici. Mais c'est parce que tous les magasins nous ont tellement habitués à des calibres. Mais c'est ça. Oui. Voilà, c'est il faut que ça brille. Alors qu'une vraie pomme. Bah, c'est une vraie pomme quoi. Tu vas comme chez le producteur. Voilà, vraie, et t'as un petit peu de viande dedans et un peu de protéines avec un verre, voilà, mais c'est pas grave. Mais le verre est toujours dans la pomme. Ça rajoute du croquant. Manger des pommes, comme il disait Chirac. Tu peux faire l'imitation ? Oui, mais oui. Manger des pommes. C'est ça. Manger des pommes. Non, pardon. C'est pas... En fait, de toute façon, vu son âge maintenant, c'est plus... Oui, c'est ça. On en reparle à la télé ce soir à partir de 18h30. À tout juste un an, premier pas posé. On marche un instant avant de tomber. Dans la cour d'école, on a beau jouer, on finit au sol, le genou blessé. On tombe amoureux et le cœur lancé. Il fait de son mieux avant de casser. C'est un jeu de qui on est tous conviés. Les garçons, les filles, tour à tour tombés. Mais nous sommes toujours debout. Toujours debout, Chaque fois, aujourd'hui, après, sommes-nous maladroits, faisons-nous exprès. Au milieu des autres, on est tous suspects. C'est à qui la faute qui nous a poussés. On fait ce qu'on doit pour ne plus tomber. C'est toucher du bois, parfois même prier. Puis ça revient, ça envoie valser les fous et les rois, le pays entier. Mais nous sommes toujours debout, toujours debout. Mais nous sommes toujours debout, toujours debout. Alors bien sûr, on s'aperçoit que rien ne dure, pas même soi. Mais malgré tout, on recommence. D'abord un pas, ensuite un sens. Et puisqu'un jour, on se relève, que tout combat finit en trêve. On peut tomber une fois encore et se savoir un peu plus fort. Car nous sommes toujours debout, toujours debout. Emmanuel Moir sur Vivacité avec Toujours Debout. Et comme nous sommes toujours debout, nous reviendrons pour une deuxième heure juste après les infos de midi. Garage Merckx, 5 marques, une concession, dotée d'un service après-vente top niveau et des conditions exceptionnelles sur tous les véhicules de stock. Garage Merckx, le service, le choix et les conditions. Comparez, vous serez étonné. Les conditions sur les Fiat, Abarth, Alpha, Lancia et Jeep, c'est chez Garage Merckx à Overhays, chaussée de Bruxelles 341. Ce dimanche sur Vivacité, c'était encore une fois complètement foot. C'est possible. Pour réécouter les meilleurs moments de l'émission, rendez-vous sur vivacité.be. La section Belgique du Haut Conseil des Béninois de l'Extérieur vous attend au Festival des Arts Vaudou les 22 et 23 octobre au Brussels 44 Center. Découvrez le patrimoine culturel du Bénin. Expo, performances live, concerts musicaux et gastronomie. Le rendez-vous, les 22 et 23 octobre au Brussels 44 Center. Info sur festivalvaudou.org. Venez découvrir le tout nouveau SUV Peugeot 3008 et son combiné tête haute avec dalle numérique et tester son nouveau Peugeot iCockpit pour ne faire qu'un avec votre voiture. Nouveau SUV Peugeot 3008. Jamais un SUV n'est allé aussi loin. Venez le découvrir lors du week-end de lancement les 22 et 23 octobre. Vous écoutez Vivacité, il est midi. On s'informe avec Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour. 21 étapes en traversant 4 massifs montagneux. Le parcours du Tour de France 2017 est connu. Présentation très officielle à Paris en ce moment même. La grande boucle fera la part belle au côté est de la France avec un départ en Allemagne à Düsseldorf. Et pour rentrer dans l'Hexagone, le peloton traverse à nouveau une partie de la Belgique. Arrêt à Liège le dimanche 2 juillet. Ce sera alors le deuxième jour de course et une étape plutôt destinée aux sprinteurs. La ligne d'arrivée sera installée sur le boulevard de la Sauvenière. Liège qui devient donc ville-étape pour la 11e fois. Elle dépasse Bruxelles. Écoutez le patron du Tour, Christian Prudhomme. Ah Liège, le carré, mais pas seulement. Non, mais bien sûr, les liens que nous avons avec Liège et avec la province de Liège sont très forts, naturellement. L'organisation chaque année de la doyenne Liège-Bastogne-Liège, de la Flèche Wallonne, le fait qu'on vienne régulièrement avec le Tour, c'est naturellement quelque chose de fort. Et puis il y a aussi la possibilité de tout faire, c'est-à-dire de faire des étapes sélectives, 8 par exemple, mais d'arriver aussi de manière toute plane. Et j'étais frappé par le fait qu'on me pose la question en me disant, mais alors Liège, on peut faire des côtes et vous faites un truc tout plat. Oui, justement, peut-être aussi pour vous surprendre, parce qu'on ne va pas faire à chaque fois la même chose. Mais il y a tout, tout est possible dans la province de Liège. Et quand le terrain s'y prête et que les gens vous accueillent avec tant de ferveur, de passion et de chaleur, on n'a qu'une envie, c'est de venir régulièrement. Et puis nous allons lancer, avec le pesant club liégeois, avec Fernand Lambert, un Liège-Bastogne-Liège femme, parce que nous croyons au développement du cyclisme féminin. Une interview réalisée par notre envoyé spécial à Paris, Samuel Grulois. Je pense que nous allons y arriver. La commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmström, espère encore que le CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, puisse être signé comme prévu fin octobre, dans 9 jours. Il aurait déjà pu recevoir le feu vert de l'Europe au Luxembourg avant la signature très officielle, mais la région wallonne ne plie pas, la Belgique ne peut donc pas signer. Cela dit, la commissaire européenne admet qu'il reste encore des efforts à faire pour convaincre, et ce sont ces mots, la Wallonie de Belgique. Il représente les travailleurs des call centers. Manifestation ce matin à Bruxelles devant le cabinet du ministre fédéral de l'Emploi, Chris Peeters. Les participants s'inquiètent des conditions de travail demandées aux jeunes, tout particulièrement dans un secteur fort exposé à la flexibilité. Les call centers ne te laissent pas attraper. C'était le slogan choisi pour une manifestation qui a pris les allures d'une chasse aux Pokémon. Ils n'ont pas trouvé d'anabolisant. Les enquêteurs ont mené des perquisitions tôt ce matin dans 2 salles de sport de la chaîne Basic Fit à Liège et à Serein. Les perquisitions n'ont rien donné. Les salles pourront rouvrir dès demain. Ils vont sortir de terre dans les prochaines années. 10 nouveaux quartiers, soit 10 000 nouveaux logements un peu partout en Wallonie. Le gouvernement wallon a sélectionné les 10 projets et les communes retenues se sont réunies ce matin pour partager leur vision. Écoutez Carlo Di Antonio, le ministre régional de l'aménagement du territoire. On est très loin de la conception des quartiers tels que pouvaient exister il y a 10 ou 20 ans. La plupart des dossiers qui arrivent ici sont des dossiers à zéro énergie, voire même à énergie positive. Donc on sent bien qu'il y a une volonté d'aller dans des projets qui soient très forts, environnement, développement durable, mobilité alternative. Et puis c'est à chaque fois au cœur des villes, c'est pas la campagne, c'est pour justement éviter l'étalement urbain. Oui, donc l'objectif c'est de concentrer sur certains sites qui sont des anciens sites qui ont eu une activité de PME, d'artisanat ou industriel au siècle passé, donc qui sont à proximité des villes, qui ne sont plus urbanisés aujourd'hui, parfois enclavés, il y a certains projets qui sont fort enclavés dans les villes, mais effectivement c'est de concentrer cette expansion de l'habitat là où les services existent, là où les villes sont déjà actives, parfois à proximité de voiries importantes, de transports en commun. À Carlo Di Antonio, au micro de Rudy Hermans, et ses nouveaux quartiers, vous les verrez pousser. Anden, Arlon, Binge, Tubize ou encore Lezan-Anneau et Liège dans le quartier de Coromeuse. On revient toujours à Liège. David Godefroy, est-ce que c'est aussi calme qu'il y a une heure ? Eh bien, on peut dire que dans l'ensemble, effectivement, c'est calme, sauf sur la 600 de Lons-Saint-Chesnay, autour du Val-de-Benoît. Un accident s'est produit. La bretelle d'accès est actuellement fermée à la circulation en direction de Chesnay. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On retrouve Sébastien Olvo et l'équipe d'En n'est pas des pigeons. Merci Delphine, bel après-midi. On n'est pas des pigeons, sur Vivacité. Une petite boisson chaude. Oh oui. Pour se réchauffer. Oui, ça fait c'est du bien. C'est le principe de la boisson chaude en même temps, c'est pour se réchauffer. Ça ferait du bien, oui. Bonne idée. Eh bien, Oumaïma viendra nous dire si c'est une bonne idée ou pas. On aidera aussi Benoît qui aimerait pouvoir utiliser des bons de réduction découpés dans le journal. Mais le problème, c'est que les magasins, ils n'en veulent pas, Annie. Ils n'en veulent pas, pourquoi ? Parce qu'il manque des chiffres sur ce bon de réduction. Et voilà, sans chiffres, ce bon de réduction, c'est un bon à rien. Il y avait des cours de rien, maintenant il y a des bons à rien. Les bons à rien. On m'a toujours dit ça, moi. J'étais un bon à rien. Ah bah tiens, on partira aussi en vacances en pleine semaine. C'est le bon plan que vous nous proposez, Isa. Et oui, au lieu de partir en week-end, on partira en mid-week. Eh, c'est moins cher à mon avis, Jean-Luc. Ah, je crois qu'il y a moyen de faire des affaires. Allez, tant mieux. Si vous avez des choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe. Sur notre page, on n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à l'adresse pigeon@rtbf.be. Laissez un message sur le répondeur 070 222 660 ou envoyez un SMS au 3063. Ça coûte 50 centimes. Côté musique, tu te souviens de ça ? Souvenir, pas si lointain que ça, mais souvenir quand même, signé Anastasia et plus proche de New York Kungs. Bon appétit si vous passez à table. Toute l'équipe d'On n'est pas des pigeons est encore dans votre transistor jusque 13h. Si je m'endors, me réveillerez-vous? il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute, ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Merci. C'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'adresse. Un jour avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. Bon, veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie, abandonner. Que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute, ne me ferme pas la porte. Studio sur cette musique de Claudio Capeo, Un homme debout. Moi, je vois des troubadours, des chevaliers, un château fort. Et Isabelle, vous voyez des marins. Oui, des marins. Bon, alors, tu vois quoi, toi? Mais moi, je vois les groupes comme Zebda. Vous savez, une époque, okay, Zebda, arrête, tomber la chemise. Non, rien, des trucs plus modernes, rien, quoi. Si vous voyez des trucs plus modernes, mais c'est moderne c'est aussi. Ça, ce pas pour nous, hein. Si vous voyez des choses, dites-le nous sur la page Facebook aussi. Pourquoi pas, on lira et on réfléchira tous ensemble. 11h, 13h, on n'est pas des pigeons. Ah ouais, Isabelle, ça me fait plaisir. Déjà, la chanson ? Oui. Pourquoi vous avez repensé à la chanson de Laurie ? Parce que vous étiez fan, mais évidemment. Et donc, vous voulez partir en week-end le mardi, vous ? Mais oui, parce que voilà, c'est un nouveau truc qui sort maintenant. C'est de se dire, au lieu de partir le week-end, eh bien, si on partait la semaine du lundi au vendredi, c'est 4 nuits au lieu de 2 quand même. Ouais, mais comme ça en pleine semaine. Pourquoi pas ? Mais ouais, pourquoi évidemment, pas ? Évidemment, il faut avoir la possibilité de le faire. Hein. Donc, soit que votre patron soit d'accord, soit que vous soyez à la retraite, que sais-je. Mais donc, c'est quand même vachement intéressant parce que la plupart du temps, on le sait, ben, c'est moins cher, mm-hmm, moins fréquenté aussi. Ouais. C'est en tout cas ce qui a poussé Benoît Dessaucy à lancer un site, midweeks.net. Il est avec nous au téléphone, Benoît Dessaucy. Bonjour. Bonjour. Vous visez quel type de public avec ce genre de site, ce genre de proposition ? Ben, tous les publics. Donc évidemment, il y a certains publics qui peuvent s'arranger pour partir en semaine à tout moment. Mais il y a également de la place dans les hébergements en semaine pendant les vacances. Donc par exemple, pendant les vacances de Toussaint qui arrivent, ben, il y a toujours possibilité de réserver un midweek, de partir le lundi. Du lundi au vendredi, pardon, et puis avoir un week-end entre les deux. Mais donc c'est bien clair, hein, si on va sur votre site et qu'on dit « mais je voudrais quand même peut-être rester jusqu'au samedi, peut-être prendre le dimanche aussi », non, ça, on ne réserve que la semaine chez vous. Bah, tout à fait, nous sommes intraitables là-dessus, hein. Donc nous voulons être la plateforme de réservation de séjour en semaine et de Meetweeks, donc c'est pour ça qu'on s'appelle meetweeks.net, et donc on refuse toutes les demandes de week-end, et bah, depuis que le site est ouvert, bah, on en a déjà refusé certains. Et bah, c'est difficile au début, hein, parce que bon, évidemment, c'est pas amusant, mais on va y prendre goût. Et alors financièrement, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus intéressant de partir du lundi au vendredi plutôt que de se dire je me fais un petit week-end ? Oui, tout à fait, hein, parce que donc les gîtes, les hôtels, les chambres d'hôtes sont pris d'assaut tous les week-ends et pendant les vacances. Donc en semaine, bah, y a des offres beaucoup plus avantageuses. Ça peut aller jusqu'à moins 50% moins cher. Donc parfois, on peut partir en semaine pour le prix du week-end. Donc, bon, faites-nous rêver. Donnez-nous une destination pour cette semaine. Si je veux partir là tout à l'heure, je vais où ? Un exemple. Alors, vous avez le choix à travers 250 hébergements à travers l'Ardenne. Donc bah, moi, je vous conseille évidemment bah, les classiques, Bouillon, Durpuis, et puis aussi des petits villages beaucoup moins connus. Qui recèle de petits hébergements bien sympathiques. Et puis, j'ai envie aussi de, bah, de vous présenter également les Ardennes françaises et les Ardennes luxembourgeoises qui font partie bah, de cette grande région ardennaise transfrontalière. Et donc, là aussi, il y a des hébergements très sympas, découvrir bah, des châteaux forts, des vallées, dont on parle assez peu, finalement. Mais donc, il y a bien deux restrictions. D'une part, c'est que la semaine du lundi au vendredi. D'autre part, c'est que dans les Ardennes. Vous dites un grand territoire, c'est si grand que ça ? Ben oui, évidemment. Ouais, je suis un fier représentant de ce grand territoire. Ben voilà, j'ai tout à fait. Mais donc, justement, donc c'est un territoire qui se répartit sur quatre provinces en Belgique. Donc, la province de Luxembourg, évidemment, avec l'Ardenne, et la Gaume, mais aussi une partie de la province du Hainaut, la région des lacs de l'Oder, une partie de la province de Namur et la province de Dinan, et puis bah, les Ardennes françaises et les Ardennes luxembourgeoises qui sont à découvrir également. Et donc vous l'avez dit, hein. Il y a quand même, donc comme j'ai dit, il y a 250 hébergements, donc il y a quand même du choix. En fait, proche de chez nous, il y a moyen de trouver un truc sympa. On peut déjà partir 5 ans en Meetweek avec le choix qu'il y a. Et justement, bon, on a parlé prix, vous avez dit financièrement c'est avantageux. On peut quand même donner une petite idée à nos auditeurs. Je pars du lundi au vendredi, eh bien, la semaine prochaine par exemple. Bon, ça démarrera à combien par exemple ? Je veux dire pour une famille de 4, hein, voilà. Pour une famille de 4, j'ai pas les prix sous les yeux, mais je veux dire, voilà, il y a des gîtes qui peuvent démarrer pour une famille de 4 à 300 € jusqu'à 1500. D'accord. Il y a de tout, voilà. Il y a absolument de tout. Le site internet s'appelle. Il y a des hébergements plus luxueux, il y a des hébergements plus simples, il y a vraiment le choix. Le site s'appelle midweeks.net. Sur la page de garde, il y a une très très jolie photo. C'est à Bouillon qu'elle était prise, cette photo, dites-moi. Ben oui, c'est pas loin de Nolvaux d'ailleurs. Ben voilà, il me semblait bien que j'avais reconnu la région. Voilà, un bon plan pour partir, mais il faut que le patron soit d'accord. Voilà. T'es d'accord ? Ben, passez-moi Monsieur Philippot, je vais avancer ça. D'accord. Merci. Ben, c'est cool. Merci, Benoît Desaussis, de nous avoir fait découvrir votre site internet. Et vous qui nous écoutez, c'est vrai que si vous avez l'occasion de partir en week-end pendant la semaine, c'est vachement plus intéressant comme offre. Il y a une grande différence entre un véhicule pour son job et le nouveau Volkswagen Amarok qui fait le job. Pour transporter du matériel de chantier, il fait le job. Pour montrer à son voisin ce que c'est que d'avoir de la reprise, il fait le job. Pour grimper une dune de 22 mètres, il fait le job. Venez essayer le nouvel Amarok et son moteur V6 chez votre concessionnaire Volkswagen Utilitaire. Hello, c'est Hip. Il y a encore des offres de génie incroyables dans tous les rayons de votre hypermarché Carrefour, comme la PlayStation 4 1 Tera avec le tout nouveau jeu Call of Duty Infinite Warfare pour seulement bam 365 €. Et cette offre se termine déjà aujourd'hui. Dépêchez-vous. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Compresse. Compresse. Scalpel. Scalpel. Aspiration. Tronçonneuse. Ne confondez plus vos séries médicales et vos films d'horreur. Nouveau Ciné-Télé-Revue. Nouvelle grille, plus simple, plus clair. Ciné-Télé-Revue. Demain, j'arrête de fumer. Et puis aussi de manger n'importe quoi. J'ai rencontré de graves difficultés.

Oui, mais attention, ne vous brûlez pas. Je vous conseille à tous d'attendre quelques minutes avant de prendre vos tasses encore bien brûlantes. Oui, alors que ce soit un cacao ou une tisane, ça se boit quand même très chaud, ces trucs-là. Mais c'est vrai, quand l'hiver approche, thé, café, chocolat chaud, les soupes, toutes les boissons chaudes deviennent un peu nos grandes alliées. Mais il semble qu'il faut quand même se méfier, non pas des boissons en elles-mêmes, mais plutôt de leur température, qui ne ferait pas que du bien à notre corps. Et qu'est-ce qui est reproché à cette chaleur ? Alors, selon le Centre international de recherche sur le cancer, qui est donc l'agence cancer de l'OMS, la consommation de boissons très chaudes serait une cause probable du cancer de l'œsophage, qui est, on le rappelle, la 8e cause la plus fréquente de cancer dans le monde. C'est dans un rapport très sérieux qui est paru cet été que cette révélation est faite. Les études donc ayant montré un lien entre ce cancer, le cancer de l'œsophage, et les boissons chaudes. Paf, tu viens de me plomber l'après-midi. Là. Bon, c'est quoi la température optimale alors ? Alors, les scientifiques de l'Université américaine du Texas ont déterminé que la température optimale des boissons chaudes serait 136 degrés ça, c'est Fahrenheit. Très chaud, ça. Fahrenheit, j'ai Fahrenheit. Peur. Ce qui correspond à 57 degrés Celsius. En fait, quand on parle de boissons chaudes dans des termes scientifiques, on parle d'une température supérieure à 65 degrés Celsius, ce qui donc donne en Fahrenheit, petit calcul. Beaucoup, 140, 150. Vous y êtes près, 149 degrés Fahrenheit. Ah, tu vois, t'as vu ça. Qu'est-ce que je voulais dire, moi ? En tant que, est-ce qu'on est visé, nous, Belges, par ce rapport ? Alors en Europe, de manière générale, et dans le nord du continent américain, les températures avoisinent en général les 60 degrés pour les boissons chaudes. On est donc en deçà. En fait, ici, l'étude vise les grands consommateurs de thé et de maté, cette infusion de thé qui se boit à température très élevée parce qu'elle se boit à 70 degrés. C'est ce qui est vraiment très très chaud. Il faut en avoir envie. Et en fait, ça va occasionner des lésions à long terme, comme l'explique le médecin interrogé pour la chronique. La chaleur va créer une brûlure au niveau de l'œsophage. Ça va occasionner une inflammation locale et elle va créer le lit du potentiel futur cancer. Alors, petite question à votre avis. Quels sont les pays champions des boissons vraiment très brûlantes ? La Chine, là où on boit du thé, la Grande-Bretagne peut-être, je ne sais pas. Chine, effectivement, mais viennent ensuite l'Iran, la Turquie et les pays d'Amérique du Sud. Ils sont visés par cette étude parce que c'est là que les cancers de l'œsophage ont été les plus fréquents. Donc un conseil, si vous partez en vacances dans ces régions-là, ne vous privez pas, mais patientez quelques instants en terrasse avant de boire votre café. Il faut souffler dessus. On peut boire son thé maintenant ? On peut boire sa tisane maintenant ? Oui, allez-y. Et puis il ne faut pas oublier non plus que les boissons chaudes contiennent des principes actifs qui vont passer plus facilement dans notre organisme grâce à la chaleur. Et elles ont aussi l'avantage d'être très hydratantes pour notre corps. Donc, si je résume bien, les boissons chaudes, d'accord, mais il faut qu'elles refroidissent. Qu'elles refroidissent un petit peu. Les mettre au frigo. Donc, d'abord. C'est ça. Donc, d'abord, micro-ondes, et puis après qu'elles refroidissent un petit peu. Mais écoutez, on va faire attention. Ce serait bête d'avoir des problèmes de santé à cause d'une boisson un petit peu trop chaude. Ça, c'est évident.

plus de pouvoir dans les magasins. Et puis on s'interrogera sur la lenteur de nos trains. La vitesse moyenne de nos locomotives est en diminution en Belgique. Les pires élèves, eh bien, ce sont les trains de la ligne Liège-Namur et de la ligne Charleroi-Bruxelles, qui est carrément la plus lente du pays. Pourquoi ? Sans doute à cause du nouveau plan de transport adopté en décembre 2014. Nous interpellerons le porte-parole de la SNCB sur ce sujet. Et puis nous irons au Luxembourg. Le ministre des Affaires étrangères aurait dû signer aujourd'hui le fameux CETA, le traité économique et commercial avec le Canada. Mais vous le savez, la région wallonne n'a pas autorisé le ministre belge des Affaires étrangères à apposer sa signature sur ce document. Didier Reynders joue donc la montre. Il espère trouver une solution avec la Wallonie. Il espère la faire changer d'avis d'ici jeudi, date du prochain sommet européen. Rendez-vous à 13h pour développer tous ces titres. À tout à l'heure, Manu. Pas des pigeons. Tu te méfies de moi, de ma façon de parler, de me tenir droit. Nous n'allons pas refaire l'histoire. Toutes les blessures trouvent une place dans les mémoires. Partage le même territoire, la même peur du reflet dans le miroir. Si la méfiance est héréditaire, on se déteste au nom de nos pères. Je connais tous un peu pareil, on se ressemble et les choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. Est-ce qu'on ne s'aime pas? Qu'il soit celui qu'on chuchote ou celui que l'on crie, que ce soit son nom qu'il le porte ou qu'il crève anonyme, qu'il soit de ceux qu'on acclame ou de ceux qu'on regarde sans voir, qu'il porte la flamme, qu'il s'éteigne seul dans le noir. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble parce qu'on ne s'aime pas. Se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble lorsqu'on ne s'aime pas. On est tous un peu pareils. On se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble lorsqu'on ne s'aime pas. Delta sur Vivacité, le titre héréditaire. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague ! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ? Il est midi 35, on pourrait commander une pizza. Non, nous n'allons pas faire ça, on va plutôt commander de l'eau, pourquoi pas de l'eau. Benoît, bonjour. Oui, bonjour. Benoît, vous aimez bien l'eau ? Ben oui, de temps en temps, je vais chercher mon petit bac d'eau en bouteille. Et quand il y a des bons de réduction qui se présentent à vous, vous avez envie de les utiliser et on vous comprend. Vous avez d'ailleurs découpé des bons de réduction dans le journal 7 dimanche pour des bouteilles d'eau chaud-fontaine, mais les commerçants n'ont pas accepté vos bons. Voilà. Donc, je me suis trouvé gentiment au magasin et j'ai pris mon bac d'eau, oui. Et quand j'ai présenté le bon, au départ, c'était un étudiant, il m'a dit, écoutez, le code-barre ne fonctionne pas, mais c'est pas grave, je vais vous le prendre, mais je vais demander à mon chef. Okay. Bon. Et 15 jours après, j'avais encore un bon. Ouais. Et là, j'ai représenté le bon et le responsable du service, il me dit, écoutez, ce bon-là, moi, je ne vais jamais le récupérer parce que, un, au scan, le code-barre ne passe pas. Et deux, il n'y a pas de numéro en dessous. Parce que quand on a le cas où le code-barre ne fonctionne pas, on tape le numéro ils ont la possibilité d'encoder. Ouais, et voilà. Et donc, je me suis retrouvé devant un problème où tous les gens qui auraient découpé le même bon que moi pouvaient avoir la déception de savoir, voilà, ça ne marche pas. Nous avons les bons sous le nez. Peut-on dire que ce sont des bons à rien, Annie? Écoutez, pour le moment, puisqu'on ne sait pas les utiliser effectivement, ce sont des bons, ce sont des bons à rien, des bons de rien, comme on veut. C'est un bon, moi, 1,50€ sur 6 bouteilles de chaud-fontaine, 2€, etc. Alors, effectivement, Benoît, vous m'avez envoyé la copie des bons. Il y a le code barre, mais il n'y a pas la série de chiffres mentionnés en dessous. Et donc, forcément, ce bon de réduction ne peut pas passer, n'est pas accepté par les commerçants. Il est valable jusqu'au 12 décembre 2016. Et vous êtes en contact avec cette dimanche, puisque c'est dans ce journal-là que vous avez trouvé ces bons de réduction. Qu'est-ce qu'on vous dit chez ces dimanches? Et donc, la première réponse, j'étais déjà content qu'il y ait une réponse à mon mail. On m'a dit, on transfère au service concerné. Mm-hmm. Mais je ne sais pas du tout où ils l'ont transmis. Et donc, 15 jours après, comme je n'avais pas de nouvelles, j'ai dit, mais je vais quand même essayer de faire un mini-rappel. Et quand j'ai fait un mini-rappel, la personne qui m'avait répondu cela était en congé. Et donc, il y avait une autre coordonnée d'un monsieur. Et donc, ça veut dire qu'à ce jour-ci, j'ai bien vu les échanges de mails, vous ne savez toujours pas, c'est transmis à qui? Enfin bref, vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas, en fait, ce qui s'est passé. Et surtout, est-ce qu'on peut remédier à ça? On à va ce donner problème. Un petit coup de fil chez 7 dimanche. Il avait transmis ça à Coca-Cola. Ah bon, écoutez, on va téléphoner chez 7 dimanche. Nous avons en ligne Adrien Nanman, le directeur opérationnel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Biettelot. Bon, c'est bon. Bonjour. Ce sont des bons à rien. Ils ne servent à rien. On les jette. c'est une fine remarque. Non, ce ne sont pas des bons à rien. Je vais commencer par un peu expliquer la situation d'aujourd'hui. Effectivement, nous publions un journal avec de la publicité et il y a des centaines de milliers d'annonces qui paraissent au courant de l'année. Mm-hmm. Et il se trouve que l'annonce que nous a donnée notre annonceur et partenaire Chaudfontaine, dans le processus de parution, pour une raison technique exceptionnelle, s'est déformée et a fait que les petits numéros sous le code barre pour ce coupon de réduction de 2€ n'est pas paru dans le journal. D'accord. Donc ça, c'est une erreur technique de la part de ces dimanches au moment C'est une erreur technique de la part de ces dimanches, absolument exceptionnelle. On a, en temps de bien identifier la raison pour pas que ça se reproduise, c'est chose faite désormais. Oui, mais le code barre ne fonctionne pas non plus, effectivement. Le code barre ne fonctionne pas. Ouais. Effectivement, c'est lié à cette déformation. Il se trouve que le même coupon de réduction paraissait dans d'autres médias, notamment le journal Vlan, qui est publié à 2 millions d'exemplaires dans toute la Wallonie et Bruxelles, avec notamment le bon format. Et étant donné qu'on allait faire reparaître l'annonce un peu plus tard, on a prévu de faire reparaître l'annonce la semaine prochaine, ce dimanche. Okay. D'accord, donc ça veut dire que tous les bons avec la ligne manquante des chiffres, on peut les jeter, et vous allez rediffuser des nouveaux bons dans ce dimanche. C'est bien ça qu'il faut comprendre? Pas tout à fait. Les coupons, c'est aussi la raison pour laquelle on a laissé les choses telles quelles, c'est que les coupons sont acceptés par Chaudfontaine, même sans les petits numéros. C'est-à-dire que ce que le commerçant qui aura accepté les bons sera absolument remboursé. D'accord. De la réduction qu'il aura octroyée au consommateur. C'est une information importante. Et ensuite, effectivement, pour ceux qui voudraient les remplacer, je l'annonce aujourd'hui à l'antenne, ce dimanche, dans ce dimanche, il y a à nouveau les coupons de réduction de 2€ pour les packs de Chaudfontaine. Bon, d'accord. Vous avez compris l'explication, Benoît? Oui, je suis heureux. J'avais pas cette réponse. Je comprends que vous soyez heureux. Pardon? Je comprends que vous soyez heureux. Oui, donc c'est vous une pourrez, histoire vous, d'eau qui se termine bien. C'est une histoire d'eau qui se termine bien, effectivement. Vous pourrez recommencer et renouveler l'opération à partir de dimanche prochain. Oui, si M. Adriensen a la gentillesse de répondre à mon mail, parce que comme ça, oui, moi, je pourrais aller chez le commerçant, lui dire, voilà,

It's Raining Again, souvenir des Supertramp. Devinez l'année. Ça ne nous rajeunit pas, cette histoire. 1982. Voilà qui n'est pas récent. Si vous avez des choses à nous dire, c'est sur la page Facebook que ça se passe. Si vous avez des trucs à nous dire, que ce soit des bons plans, des astuces, des petites visites. Quand vous faites, je sais pas, des visites en ville. Aurore, vous avez fait une visite en ville récemment. Je ne sais pas, vous vous baladez, il y a des choses qui vous marquent. Non, pas spécialement. Il y a les publicités. Si vous m'avez dit que vous avez été voir une publicité en ville récemment, une publicité détournée. Une publicité détournée. Oui, elle dit des gros mots. Vous savez, mais je vais être obligée de dire une marque, je ne peux pas. Mais si. Zanussi, vous enlevez le Z. Voilà. Vous enlevez le si derrière. Et ça, a fait la polémique il y a quelques semaines. Bah oui, une fresque avec un trou. Un trou de balle en plein Bruxelles. C'est vrai que ça a fait la polémique. Mais il y avait beaucoup de gens qui regardaient au moment où vous êtes passé. Non, en fait, personne ne regardait, sauf moi. Non. Et non, mais tout ça pour dire qu'il y a des vieilles pubs en ville. Elles sont souvent magnifiques et il y en a beaucoup qui sont protégées. Et ça fait partie du patrimoine publicitaire. T'as vu ça, comment on retombe sur ses pattes? C'est bien. On parlait d'un trou de pète sur un mur et on finit par une publicité. Enfin, bref, voilà, si vous avez des choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos astuces. On aime bien les astuces et on n'oublie pas les coups de gueule. D'ailleurs, le coup de gueule, il sera question de... C'est Eric. Et ce sera... C'est des étiquettes sur des vêtements qui ne correspondent pas. D'accord. Enfin, des prix. On vous lit ça dans 5 minutes. Oui. Alors, père, on va chez Tante Nicole et un père, on va au ciné. Question prise de décision, t'es pas encore au point, mon amour. Bah écoute, si t'as une meilleure idée pour décider de ce qu'on fait le 23 octobre, je suis preneur. Oui, j'ai une idée. ID Châssis. Le dimanche 23 octobre, venez profiter de nos conditions spéciales journée porte ouverte chez ID Châssis à Jean-Blou. idchassis.be. Vivez vos vacances en toute liberté. Mobicar, salon international de la caravane et du motorhome. Plus de 600 modèles et toutes les nouveautés 2017. Mobicar, du 20 au 25 octobre à Brussels Expo. Plus d'infos sur mobicar.be. Dis, où t'as mis le jambon au bel? Bah, dans le frigo. Oui, mais où dans le frigo? Je vois le pâté au bel, le saucisson au bel, le boudin au bel, mais pas le jambon. Je te parie un resto que t'as oublié d'en acheter. À côté des boulettes. T'as une adresse pour le resto? Obel, c'est bon, l'authenticité. La Ford Fiesta a 40 ans. Rendons-lui hommage comme si on était en 76. Salut, amis. Bienvenue dans la Ford Fiesta 40 Years Edition. Elle est généreuse et partage avec toi ses connexions Bluetooth et Sync. Reste cool grâce à la clim. Love, Ford Fiesta. Découvrez la Fiesta 40 Years Edition à partir de 10 390 euros chez votre distributeur Ford et profitez en plus d'un financement exceptionnel. Ford, go further. Offre soumise à condition. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Plus d'infos sur Ford.be. Vos enfants ou élèves s'intéressent à la géographie? Du lundi 17 au vendredi 21 octobre, les journaux La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Éclair et La Capitale vous offrent 5 posters pour tout découvrir. La carte de la Belgique, de l'Europe, du monde, du tourisme et des reliefs. C'est gratuit avec votre journal du lundi 17 au vendredi 21 octobre. Encore une exclusivité? Sud Presse. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Pluie, vent, froid, le temps idéal pour accueillir chez moi le conseiller Bellisol et recevoir un conseil gratuit pour mes nouveaux châssis et mes nouvelles portes. Bellisol. Me regarde, le paysage, l'odeur, les gens, tout ça me charme. Ma grand-mère me dit Alpha, t'es le bienvenu chez toi. La fille du voisin aimerait se fiancer, faut financer. Jolie Mariam, Mariam, je te connais comme si t'étais ma terre natale. Ce soir, je suis invité à manger chez ma tata. À genoux autour d'un plat, c'est ça ma table. Aïe aïe aïe. Chez moi, là où les gens partagent tous le même toit. Si tu sais pas où dormir, on te reçoit. Tous ensemble du matin jusqu'au soir et dans la joie. Bienvenue chez moi, là où les gens partagent tous le même toit. Si tu sais pas où dormir, on te reçoit. Tous ensemble du matin jusqu'au soir. kaso inana e kaso ya. Abebe nyonga ambe yeke lenye. Kata soma fokata sesu. Ambe nyonga ole kanyi. Angotere ya duma okadi. Bali maya duma okadi. Dongi. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Bienvenue chez moi. Chez moi. Chez moi. Là où les gens partagent tous le même toit. Je suis chez moi, c'est le nouveau Black M sur Vivacité. Black M qu'on avait connu avec Sur ma route et où on s'est tous arrêtés à cette chanson-là. Et je ne peux pas m'empêcher de dire que lui aussi aurait peut-être dû s'arrêter à celle-là, finalement. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux savoir votre nom ? Eric. Ah, bon, Eric, qu'est-ce que t'en penses ? Disons, deux enfants, un chien, une maison de campagne, tu cuisines en semaine et moi le week-end, et je fais le jardin, et toi tu sors les poubelles. T'es d'accord ? Bah, parce que la voiture, on l'a déjà. Parfois, ça peut aller très vite. Choisissez une Mercedes-Benz de stock sur mercedesoutlet.be et vous serez au volant en un rien de temps. Maintenant, avec 4 ans de garantie, infos et conditions chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. On n'est pas des pigeons. Et on termine cette émission avec le coup de gueule d'Eric. Oui, oui, il nous écrit, Eric, dans une grande chaîne de vêtements pour dames, j'y arriverai, un article à 44,99€ soldé à moins 30% donne 34,99€ chez eux. À moins que ce soit moi qui ne calcule pas bien, me dis-je, je prends ma calculatrice et quelle ne fut pas ma surprise de constater qu'on nous rabote de près de 3€ puisque la somme due après réduction est de 31,47€. Doit-on acheter tout à moins 60 ou 70% pour profiter réellement de ces avantages ? Mais dans ces cas-là, on va à la caisse et on prend sa calculette et on montre ça à la vendeuse. Ouais. Et je pense qu'on a tous les droits de payer le prix qui est indiqué sur exactement, la calculette. Exactement, on paye ce qui est affiché. Voilà. Voilà. Et c'est étonnant qu'on parle déjà de solde maintenant. C'est une réduction, quoi, je présume. Enfin, oui, bref, c'est, si une promotion, des, c'est une promotion. Si vous voyez des choses qui vous intriguent, n'hésitez pas à nous le communiquer via la page Facebook. Un petit mail aussi, ça peut être sympa. Hein. Oui, l'adresse c'est pigeon@rtbf.be, le répondeur. Un petit message sur le répondeur, c'est encore plus sympa. Hein. 070-222-660. Et le SMS aussi. 30-63, mais ça c'est pour demain parce que ça on les lit pendant l'émission. C'est vrai, oui. Que ça c'est pour demain à partir de 11h. Toute l'équipe d'On n'est pas des pigeons vous retrouvera ce soir à la télé sur la Une à partir de 18h30. La vie du bon côté, Sylvie Honoré prend le relais. On parle de mal-séparation avec vous. La mal-séparation, un terme peut-être qui est tout nouveau pour vous. Pourquoi certains divorcés se disputent-ils encore violemment 10 ans après ? Alors il y en a tout de suite qui vont dire « Ah, parce qu'il y a les enfants, évidemment !» Mais il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. L'impossible séparation, la mal-séparation. Pourquoi il est si compliqué de tourner la page ? L'impossible séparation, la mal-séparation. Pourquoi il est si compliqué de tourner la page ? On en parle aujourd'hui avec Jean Van Hemelrijk. Il est psychologue, psychothérapeute individuel de couple et de famille depuis 30 ans, vous exercez à Bruxelles. Jean, bonjour. Bonjour, Sylvie. La mal-séparation, pourquoi on n'est pas séparés alors qu'on n'est plus ensemble ? Ça, c'est la sous-question de votre livre. Vous parlez des ravages du départ qui risquent d'entraîner un véritable effondrement, doublé d'une menace d'anéantissement, un risque qui pèse sur les épaules des deux partenaires. Et pour éviter cela, dites-vous, il est quelques couples qui s'inventent une façon originale de résister. C'est la mal-séparation. L'idée, elle est simple, elle consiste à maintenir le lien, malgré tout, de faire en sorte que cela n'en finisse jamais. Toutes les tentatives de mettre fin au conflit échoue lamentablement. Les avocats, les médiateurs familiaux, les thérapeutes de couple s'essoufflent à l'infini. Le jeu est partagé et il consiste à changer les décors, mais à maintenir la danse, à persister envers et contre tout. Je m'avais dit hors antenne que c'était justement à cause de cela, à cause que vous soyez confronté à des amis avocats, médiateurs familiaux, thérapeutes de couple qui vous disent c'est plus possible. On a tout essayé, c'est plus possible. Et donc vous nous en parlerez juste après le journal de 13h. Là, je vais m'adresser aux auditeurs en leur demandant peut-être est-ce que ce terme mal séparation leur parle. Est-ce qu'ils ont l'impression peut-être d'être toujours ensemble, même s'ils sont séparés de corps? Est-ce qu'on peut bien se séparer amoureusement? Voilà encore une question intéressante. 070 23 33 23, SMS 3063, 50 centimes par message envoyé, si vous souhaitez intervenir dans notre thématique d'aujourd'hui, juste après le journal de 13h et juste après le point météo de Denis, que voici. Pluie, vent, froid, le temps idéal pour accueillir chez moi le conseiller Bélisol et recevoir un conseil gratuit pour mes nouveaux châssis et mes nouvelles portes. Bélisol. Bonne journée à tous, la situation se dégrade et cet après-midi, on attend de bonnes pluies qui vont descendre sur le pays du nord vers le sud. On a déjà eu quelques averses par endroit, mais les pluies de l'après-midi seront un petit peu plus soutenues. Le vent se renforce, rafale jusqu'à 50 km à l'heure et les maxima ne dépasseront pas 10 à 14 degrés. On sera déjà débarrassé de cette pluie la nuit prochaine. On revient à des minima assez frais de 4 à 7 degrés. Et puis demain, on aura de la pluie ou des averses sur l'extrême nord du pays en matinée. Et puis un peu comme aujourd'hui, le vent va se lever et la zone de pluie va traverser le pays demain dans le courant de la journée. On ne dépassera plus 7 à 13 degrés. Excellent début d'après-midi à l'écoute de Viva, il est 13h. Un tour audacieux qui passe par Liège, Verviers, le Jura, les Vosges. Arrivée la plus haute en montagne à Izoard, 2360 mètres d'altitude. On vous dévoile les grandes lignes du Tour de France dans un instant. Les trains plus lents qu'il y a 3 ou 4 ans en Belgique. La ligne la pire, c'est celle qui relie Charleroi à Bruxelles. La faute aux travaux sur cette ligne, nous dit le porte-parole de la SNCB. Les chemins de fer belges sont en fait aussi victimes de leur succès. Ils transportent toujours plus de monde. Les ministres des Affaires